Quand je suis effectivement arrivé après les événements donc, du 27 janvier, j'étais tout à fait sincère. Nous avons relâché tous les prisonniers que nous avons le même jour. Le président qui a été renversé quelques jours après aussi, il était libre. C'est un coup d'État, mais si vous voyez, même, vous pouvez lire dans le livre du grand sage Foucault, et vous verrez ce qu'il a dit de ce coup d'État, parce qu'il en a vu des coups d'État en Afrique. Mais ce coup d'État, quoi qu'on dise, en tout cas, il est assez particulier. Bon. Et eux-mêmes le reconnaissent. Vous pouvez aller les interroger, des partis de l'opposition, ils savent comment nous les avons traités et comment même nous avons sauvé certaines vies. Ça aussi, il faut le préciser. En avril 1999, le général Barré Maïna Sara est assassiné par des hommes de sa garde personnelle que dirige le commandant Wanké. Ce dernier prend le pouvoir à la tête d'un conseil de réconciliation nationale qui doit assurer une transition de 9 mois. Le commandant Malan Wanké au micro de RFI.